Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 61. Être content de son sort, éloge de cette vertu. Mon fils, sois toujours content de ton sort, et supporte patiemment la pauvreté, quoiqu'il n'y ait rien de plus amer que l'indigence. Lève-toi chaque jour de grand matin pour demander le pardon de tes fautes, mais, le temps à profit, pendant qu'il t'est donné d'en jouir. Garde-toi de parler mal de celui qui vit avec toi, en son absence, ne profère jamais de malédiction, si ce n'est contre Satan. Autant de fois que le soleil ramène la lumière et vient éclairer le monde, autant de fois tu dois faire pénitence de tes péchés. Celui qui n'a point dans le cœur la crainte de Dieu, par une juste punition de sa toute-puissance craindra toutes les créatures. Assiste le pauvre, et ne néglige rien pour remplir ses besoins, afin que le Créateur t'accorde ce qui t'est nécessaire. Tous les biens qui sont dans ta main, tu n'en jouis qu'à titre de prêt, si tu les laisses après toi, ils seront pour toi la cause d'une affliction amère. Il te faudra restituer un jour ces biens qui te sont prêtés. As-tu vu quelque mortel emporter son or avec lui? Que te restera-t-il de tous les biens de ce monde, homme fidèle? Quelques zones de toile, et quelques pieds de terre. Tout ce que tu auras dépensé au service de Dieu, et pour lui plaire, c'est là ce qui t'appartiendra véritablement, mais le bien que tu auras tenu en réserve et qui restera après toi, sera le tourment de ton âme. Le Tout-Puissant se plaît à pourvoir à tous les besoins du mortel qui se contente de recevoir de sa main le nécessaire le plus étroit. Ce monde est semblable à un cadavre, abandonne-le, pour peu que tu sois armé de quelque courage. Ce n'est qu'une goutte d'eau, laisse-la, puisque tu as reçu ta portion déterminée. Celui qui bâtit sa maison à l'entrée d'un pont, est un insensé dépourvu de raison. Il n'est pas convenable de demander à Dieu les richesses, car elles ne sont pour l'homme fidèle qu'une source de peine et d'affliction. La pauvreté et la santé de l'âme fidèle, c'est elle qui lui procure la pureté et l'innocence. Tes richesses et tes enfants font partie de tes ennemis, quelque charme qu'ils aient pour tes yeux. Souviens-toi des leçons du Coran, qui t'a appris à regarder tes enfants et tes femmes comme des pièges dangereux, envisage les richesses et les biens du monde comme le souvenir d'une chose passée. L'existence du monde entier n'est d'aucune utilité à l'homme qui marche dans les sentiers de la piété, la crainte de le voir anéanti ne l'occupe pas un seul instant. Celui dont le cœur jouit d'une pureté parfaite par l'exercice de la vertu, se contente de quelques haillons et d'une bouchée de pain. L'homme qui est dominé par le désir des richesses et de l'opulence, sera banni loin de la société des élus. Les serviteurs de Dieu, en renonçant à leur existence, se sont élevés au-dessus des astres avec la vitesse d'un cheval dont on presse la course. Comment parviendras-tu au bonheur qui est l'objet de tes vœux? Si tu ne sacrifies tout ce que tu as au service de Dieu. L'anecdote suivante est propre à faire connaître jusqu'à quel degré, dans la doctrine des soufis, l'homme spirituel doit pousser le renoncement à lui-même. Elle est tirée de la troisième conférence de Saadi. Une nuit, Abou Yezid Bestami, le pan de l'ordre des mystiques, que Dieu sanctifie son tombeau, étant seul dans la cellule des extases, avait jeté le filet de ses amoureux élans sur les créneaux de la grandeur de la majesté divine, et avait excité en lui-même un redoublement des ardeurs du feu de l'amour divin. Sentant vivement la faiblesse et l'impuissance de la nature humaine, il s'écria, « Ô mon Dieu, quand me réunirai-je à toi, Dieu très haut ? Jusqu'à quand me laisseras-tu me consumer dans le feu d'une si cruelle séparation? Quand me donneras-tu le vin de la jouissance? Au même instant, une voix émanée du séjour impénétrable de la Divine Majesté, retentit au-dessus de sa tête, et fit entendre ces paroles, Abou Yazid, ton toit est encore avec toi, si tu veux arriver jusqu'à moi, quitte-toi toi-même et viens. Jalaleddin Rumi, dans le Mesnevi, raconte l'anecdote suivante, qui exprime la même pensée. Un homme vint frapper à la porte de son ami. L'ami demanda, « Qui es-tu, mon cher ? C'est moi. En ce cas, retire-toi, je ne saurais à présent te recevoir, il n'y a point de place à cette table pour celui qui est encore cru. Un tel homme ne peut être mûri, aigri de son hypocrisie, que par le feu de la séparation et du refus. » Le malheureux s'en alla, il employa un an entier à voyager, se consumant par les flammes du désir, et de la douleur que lui inspirait l'éloignement de son ami. Mûri et amorti par cette longue épreuve, il approcha de nouveau de la porte de son ami, il frappa avec modestie, tremblait qu'il ne lui échappât encore quelques paroles inciviles. « Qui est là ? » crie-t-on de l'intérieur de la maison ? « Cher ami, c'est toi-même qui es à la porte. Puisque tu es moi, entre aujourd'hui, cette maison ne peut pas contenir deux mois. Un fil double ne convient pas à l'aiguille, puisque tu es simple, entre dans cette aiguille. Il y a un juste rapport entre le fil et l'aiguille, ils sont faits l'un pour l'autre, mais un chameau ne convient pas au trou d'une aiguille. Comment le corps du chameau pourra-t-il devenir mince et perdre son énorme volume, si ce n'est par le fer tranchant de la mortification et d'un pénible travail? Ces expressions, un chameau ne convient pas au trou d'une aiguille, sont une allusion à ce passage du Coran, 7, 38, ils n'entreront point dans le paradis, jusqu'à ce qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Au lieu de chameau, quelques commentateurs prononcent câble. Il y a donc sur le sens de ce passage du Coran, la même diversité d'opinion entre les interprètes, que sur le passage analogue des évangiles. Toutefois je pense comme Wettstein, que ce n'est qu'une subtilité, et qu'il est question d'un chameau dans l'un et l'autre texte. Chapitre 62 De la libéralité. Sois généreux, mon frère, sois généreux, afin que de la misère tu passes à l'abondance. Exerce la libéralité sans relâche, car il n'y a point d'enfer pour l'homme libéral. Une lumière éclatante et pure brille sur le visage de l'homme généreux, parce qu'il est destiné à partager dans le paradis le bonheur du prophète, élu de Dieu. Les hommes bienfaisants n'ont rien de commun avec les tourments de l'enfer, l'âme de l'avare n'aura point d'autre séjour que celui des flammes. La main de Dieu même a tracé ces mots sur la porte du paradis, c'est ici la demeure des âmes bienfaisantes. Toutes les œuvres des avares, n'en doute pas, sont impures et souillées, ils seront dans l'enfer les compagnons de Satan. L'avare n'entrera point dans le chemin du paradis, bien plus, l'odeur délicieuse de ce séjour heureux ne saurait parvenir jusqu'à lui. Ce lieu que l'on désigne sous le nom de Sakar, la partie la plus profonde de l'enfer, sera la demeure de l'orgueilleux et de l'avare. Mon fils, ne te fais connaître que par des œuvres de bienfaisance, et fuis l'orgueil et avance, pratique la libéralité, et exerce-toi à l'humilité, afin que ton visage brille un jour de tout l'éclat de la pleine lune. On trouve dans le Boustan de Saadi, livre 2, l'anecdote suivante, L'auteur s'en sert pour prouver qu'aucun bienfait ne reste sans récompense. Un homme trouva dans le désert un chien qui périssait de soif, et auquel il restait à peine un souffle de vie. L'homme religieux, faisant de son bonnet un seau, et de la pièce de mousseline qui formait son turban une corde, releva sa robe dans sa ceinture, et, se mettant à l'œuvre, il tira de l'eau, d'un puits, et en donna un peu au chien qui avait perdu ses forces. Le prophète révélant à ses compagnons le sort de cet homme compatissant, leur apprit que le juge suprême lui avait remis ses péchés. Homme qui t'est jusqu'ici livré à la violence, fais réflexion à ceci, embrasse désormais le parti de la bonne foi et de la générosité. Une œuvre de bienfaisance pratiquée envers un chien, n'a pas été perdue, comment resterait-elle sans récompense, la charité exercée envers un homme de bien. Pratique la générosité suivant tes facultés, le maître de l'univers n'a laissé aucun mortel dans l'impuissance de faire du bien. Donner d'un trésor un talent d'or, n'est pas aussi méritoire que de faire l'aumône d'une drachme qu'on a gagnée par son travail. Chacun portera un fardeau en proportion de ses forces, la patte d'une sauterelle est un fardeau pesant pour une fourmi. Cette dernière comparaison se trouve aussi dans le Gulistan, où on lit « Si Behram Gurfé retire un onagre, pour en faire des libéralités, cela n'équivaut pas à la patte d'une sauterelle que donnerait une fourmi. » Le même auteur, dans le Boustan, raconte l'apologue suivant, « Pour prouver l'avantage qu'on retire, même en ce monde, de l'exercice de la libéralité. Je rencontrai un jour sur ma route un jeune homme qu'une brebis suivait en courant sur ses traces. C'est, lui dis-je, à cette corde et à ce collier que tu dois la fidélité de cette brebis à suivre ainsi tes pas. Aussitôt il détacha le collier et la corde par laquelle il la conduisait, et se mit à courir de droite et de gauche, la brebis continua à courir après lui, parce que sa main lui avait présenté à manger de l'orge encore en herbe. Quand il eut fini ses jeux et ses ébats, il revint, et, me regardant, il me dit, « Homme intelligent, ce n'est point cette corde qui l'entraîne après moi, les dons qu'elle a reçus de moi, sont le collier qui l'enchaîne. » L'éléphant furieux conserve le souvenir du bien que lui a fait son cornac, et ne se jette point sur lui. Homme sage, ménage les méchants, le chien qui mange ton pain, veillera à la garde de ta porte. Les dents de la panthère sont agacées sans force pour quiconque lui donne, 2 jours seulement, du fromage à manger. Le goût de la panthère pour le fromage est encore appelé dans ces vers du Gulistan. Le temps de la jeunesse s'est échappé de ma main, hélas, que de regrets il m'inspire ce temps si cher à mon cœur. Cette force de poignet, qui m'égalait au lion, a disparu, je me contente aujourd'hui d'un fromage, comme la panthère. On trouve dans le Boustan de Saadi, la fable de l'avare et du voleur, je pense qu'on ne sera pas fâché de la lire ici. Le père avare et le fils sans souci. Un homme n'avait pas la force de toucher à son or, il était riche, et ne pouvait se résoudre à faire usage de ses richesses. Il ne mangeait point de quoi apaiser ses besoins, il ne donnait point afin d'amasser des mérites pour les jours à venir. Jour et nuit il ne songeait qu'à entasser de l'or et de l'argent, l'or et l'argent étaient prisonniers sous la main de cet homme. Un jour son fils s'étant mis en embuscade, découvrit le lieu où était caché son trésor, il le tira de la terre, et le prodigua en dépenses frivoles, après avoir, m'a-t-on dit, mis une pierre à la place. L'or ne resta pas longtemps entre les mains du jeune homme, il l'avait pris d'une main, il le dépensa de l'autre, car c'était un vaurien, un libertin perdu de débauche, qui vendait son bonnet pour se divertir, et mettait ses hauts de choses en gage. Le père se serrait le gosier avec ses mains, dans l'excès de sa douleur, le fils avait fait venir pour s'amuser des joueurs de flûte et de guitare. La nuit se passa sans que le père fermât l'œil, il poussait des cris et des gémissements. Son fils, au matin, se mit à rire et lui dit, « Cet or, mon père, était destiné à fournir aux besoins de la vie, pour rester enfoui, peu importe que ce soit une pierre ou de l'or. On tire l'or d'une roche dure, pour le dépenser avec ses amis et les hommes qu'on estime, entre les mains d'un homme qui fait une idole des richesses, l'or est encore dans la mine. Si pendant ta vie tu ne fais que du mal au tien, il n'est pas surprenant qu'ils soupirent après ta mort. Ils ne profiteront à leur gré du bien que tu possèdes, que quand tu seras dans la terre, 50 coudées au-dessous du toit de ta maison. Un avare riche en or et en argent, est un talisman placé sur un trésor pour en défendre l'approche. Son or ne se conserve tant d'années, que par la vertu de ce talisman qui le garde, mais tout à coup la pierre du trépas brise le talisman, et alors on partage tranquillement le trésor. Après avoir recueilli et amassé comme la fourmi, à toi de manger avant que tu sois dévoré par les vers du tombeau. Les discours de Saadi sont des ordres et des avis pleins de sagesse, tu te trouveras bien de les suivre. Malheur à quiconque en détourne le visage, car c'est en les suivant qu'on peut trouver le bonheur. Saadi compare l'avare à un talisman, en suivant le préjugé des peuples de l'Orient, qui croient généralement que les anciens ont enfoui de grands trésors, et en ont confié la garde à des talismans, en sorte qu'on ne peut enlever ces précieux dépôts, à moins qu'on ne parvienne à rompre le charme par des procédés magiques. Les rabbins disent, presque dans le même sens, qu'un avare est un rat couché sur des pièces d'or. Florilège hébraïque page 25. Chapitre 63. De quatre choses qui sont l'ouvrage de Satan. Quatre choses sont l'ouvrage du diable, tous ceux qui sont serviteurs du Dieu de miséricorde, les connaissent. Lorsqu'un homme éternue plus d'une fois de suite, c'est sans contredit un effet de la puissance de Satan. Le saignement donné vient aussi de lui, parce qu'il est l'ennemi déclaré des hommes. Le bâillement et le vomissement sont encore l'ouvrage de cet ennemi du monde. Mon fils, tiens-toi toujours en garde contre sa malice. Suivant les rabbins, l'éternuement était suivi d'une mort certaine, jusqu'au temps de Jacob. Du temps de ce patriarche, on commença à dire à ceux qui éternuaient, « Je vous souhaite une vie heureuse », et l'éternuement cessa d'être un symptôme de mort. L'éternuement a généralement été regardé, dans l'Antiquité, comme un présage bon ou mauvais. Aristote a remarqué que, de tous les cas où il se fait une émission de l'air, de l'intérieur du corps à l'extérieur, l'éternuement est le seul qui soit considéré comme un présage. Histoire des animaux livre 1er, chapitre 11. Les Grecs et les Romains saluaient les personnes qui éternuaient, ou ils leur souhaitaient une bonne santé, comme l'atteste Aristote, Xénophon, Athénée et Pline, et les anciens expliquent de diverses manières l'origine de cet usage. Il n'est guère possible de douter qu'il ne tienne à un préjugé analogue à celui que notre auteur exprime ici. Chapitre 64. Des signes qui indiquent un cœur dur. J'ai reconnu à trois caractères l'homme qui a le cœur dur, et j'ai détourné ma vue pour éviter son aspect. Il use de violence et d'injustice envers les faibles, dans la médiocrité ou dans l'opulence, il n'est jamais satisfait de son sort. Quelques avis que vous puissiez lui donner, la dureté de son cœur y demeure insensible, et il n'en reçoit aucune impression. Mahomet s'adressant, dans le Coran à ces hommes dont le cœur est insensible aux merveilles de la toute-puissance de Dieu, leur dit, après cela néanmoins vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus aussi durs et plus durs que la pierre, car parmi les pierres il y en a desquelles coulent des fleuves, d'autres qui se fendent et dont il sort de l'eau, d'autres enfin qui se précipitent par la crainte que leur cause la puissance divine. Sourate 2, 74. Saadi, dans le Gulistan, livre 2, raconte l'anecdote suivante, d'un de ces hommes dont rien ne saurait émouvoir le cœur insensible. Je faisais une fois le voyage du Hedjaz, c'est-à-dire de la Mecque, en compagnie d'une troupe de jeunes gens pieux et instruits. Parfois il murmurait à voix basse et récitait quelques poésies spirituelles. En notre compagnie se trouvait aussi un dévot, ennemi déclaré de la profession des derviches, et qui n'avait pas la moindre connaissance des tourments que l'amour leur fait éprouver. Lorsque nous fûmes arrivés au lieu nommé les palmiers des Benou Elal, un jeune enfant noir sortit du campement d'une tribu et chanta d'une voix qui aurait fait descendre les oiseaux des régions de l'air et suspendu leur vol. Le chameau que montait notre dévot, se mit alors à sauter, le jeta par terre, et s'échappa dans le désert. Voyant cela, je dis à cet homme, « Cheikh, cette voix qui agit ainsi sur un animal sans raison, ne fait aucune impression sur toi. » Vers. Sais-tu ce que m'a dit le rossignol matinal? Quel homme es-tu donc, si tu ne connais pas ce que c'est que l'amour? Les chants d'un arabe ravissent le chameau et excitent en lui des transports. Si tu n'en éprouves aucun plaisir, tu es un animal contre nature. Lorsque la gaieté des transports amoureux s'empare d'un chameau, si un homme reste insensible, il faut le mettre au rang des ânes. Toute la nature chante les louanges de la divinité, celui-là le sait dont le cœur est toute oreille pour entendre ces choses. Ce n'est pas seulement le rossignol sur la rose, qui célèbre ses grandeurs, pour le louer, chaque épine du rosier devient une langue. Chapitre 65. Portrait de l'hypocrite. Éloigne-toi, mon ami, des hommes faux et hypocrites, sache que leur demeure est préparée dans l'enfer. Par hypocrite il faut entendre un homme qui affecte des dehors religieux sans pratiquer les vertus. Trois caractères font connaître l'hypocrite, et son hypocrisie le rend l'objet de la colère du Tout-Puissant. Toutes ses promesses sont en contradiction avec sa conduite, ses discours ne sont que mensonges et vaines jactances. Il ne respecte point les fidèles sincèrement attachés à la religion, et un dépôt même n'est point une chose sacrée pour lui. Il n'y a aucune sûreté dans les promesses de l'hypocrite, aussi son visage ne brillera-t-il jamais d'une lumière pure et éclatante. Garde-toi de prendre un hypocrite pour un homme fidèle et digne de confiance, puisse la race de l'hypocrite disparaître de dessus la face de la terre. Mon fils, sois en garde contre l'hypocrite, aiguise ton épée pour lui donner la mort. Celui qui fréquentera sa société, aura sa demeure au fond du puits de l'enfer. Il est dit dans le Coran, 144, 4, que les hypocrites seront jetés dans l'étage le plus profond de l'enfer. Les rabbins disent d'eux-mêmes, tout homme en qui il y a de l'hypocrisie, tombera dans l'enfer. Ils disent aussi, tout homme en qui il y a de l'hypocrisie, est maudit, même par les embryons dans les entrailles de leur mère. Florilège hébraïque page 7. Saadi, dans le Boustan, livre 5, raconte l'anecdote suivante. Un jeune enfant, éjoui dire, jeûnait, quoique par son âge il ne fût pas encore soumis à la loi du jeûne, il eut bien de la peine à supporter le jeûne jusqu'à l'heure du déjeuner. Son gouverneur ne le conduisit point ce jour-là à l'école, une telle œuvre de piété de la part d'un si jeune enfant excitait son admiration. Le père aussi baisa les yeux de son fils, la mère baisa son visage, ils versèrent sur sa tête des dragées et des pièces d'or. C'est une cérémonie qui se pratique aux noces et dans d'autres solennités, et à laquelle les poètes font souvent allusion. La moitié du jour était à peine passée, que la faim alluma dans ses entrailles un feu dévorant. « Si je mangeais quelques bouchées, dit l'enfant en lui-même, mon père et ma mère n'en verraient rien. » Comme il n'avait d'autre intention que de mériter l'estime des hommes et de plaire à son père, il mangea secrètement et feignit d'observer le jeûne jusqu'à la fin. Si ce n'est pas le désir d'obéir à Dieu qui dirige ta conduite, qui est-ce qui saura si tu te mets à faire la prière sans avoir observé les ablutions prescrites? Le vieillard qui, dans l'exercice des pratiques de la religion, n'a en vue que de s'attirer l'estime des hommes, est bien plus insensé que ce jeune enfant. Ces longues prières que tu fais pour être remarqué de tes semblables, sont la clé de l'enfer. Si la voie où tu marches te conduit partout ailleurs qu'à Dieu, c'est dans le feu de l'enfer que l'on placera le tapis sur lequel tu te prosternes pour prier. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.